J'ai rien trouvé, y'avait que de la bière. Pas de capote pour tirer un coup. J'ai juste trouvé un barbecue. Tous les vieux vont être fermés. Faut aller Toulouse à tout baiser. J'suis con, j'avais pas pensé à Toulouse à tout baiser. On s'est fait un lapin et je me sentais pas très bien. On a sauté une chèvre et j'en avais plein les lèvres. Avec la moustache de mon pote. Putain de merde, c'est pas pratique. Les poils longs cul, ça pique. J'ai dû faire un lavage anal avec l'eau du canal. Et puis un gars est arrivé pour le dire où il fallait aller. À Toulouse, à Toulouse, à Toulouse, à Toulouse, à Toulouse, à Toulouse, pour baiser.